Alors, Monsieur de Focas, partie 9, Jean Lorrain, le gouffre. Dans l'atelier où sa voix lente et monotone évoquait la petite Astarté d'Onyx, impassible complice du crime de Woolwich, l'ombre s'était faite plus dense, plus équivoque aussi, comme ourdie de mystère par le verbe d'étale. Ainsi donc, Thomas Wellcome avait commis un meurtre. L'énigme de son charme était peut-être même dans son crime. Une atmosphère d'épouvante et de beauté enveloppe toujours l'homme qui a tué. Les yeux des grands meurtriers dardent à travers l'histoire d'hallucinantes lueurs, dont s'auréole leur figure, et ce sont encore les cadavres qui piédestalisent le mieux les héros. La mort et la beauté sont deux choses profondes, si pleines de mystère et d'azur qu'on dirait deux sœurs également terribles et fécondes, ayant la même énigme et le même secret. Victor Hugo. Toutes ces sanglantes pensées, et les rimes mêmes de ce quatrain, Étale ne les articulait pas, mais il me les suggérait. Maintenant qu'il gardait le silence, je devinais que mon irraisonnée sympathie pour Thomas avait été surtout à l'assassin. La mélancolie de ce beau visage, tout de douceur et d'énergie, était faite à la fois du regret d'avoir tué et, qui sait, du désir de tuer encore. Le goût du sang est la plus noble des ivresses, puisque tout être instinctif est meurtrier. La lutte pour l'amour, la lutte pour la vie, exige la suppression des créatures. Et Yahvé n'a-t-il pas dit « Par les morts couchés sur ma route, vous connaîtrez que je suis le Seigneur. » Tous ces conseils de mort, une bouche d'ombre les insinuait à mon oreille, une bouche d'ombre qui était peut-être celle du crâne symbolique de la petite idole phénicienne. Oui, Thomas Wellcome était un être d'instinct, et c'était là toute la puissance de son charme, les instincts. Ne m'en avait-il pas vanté la salubre énergie au cours de cet entretien enthousiaste, où, sûr de son éloquence, il m'avait développé sa théorie sur la joie de vivre trouvée dans la seule aventure et l'ivresse des sensations décuplées dans la recherche de l'inconnu. Cette vie d'action, le meurtre d'un homme la lui avait donnée en lui permettant de remuer des millions. C'est grâce à un cadavre qu'il avait pu vivre sa vie. Mais s'était-il libéré du remords? Qu'était-ce que cette obsession Dieu glauque qui lui aussi le tourmentait? Et cette tête coupée dont il avait la hantise? Le cauchemar du fellah assassiné sur les bords du Nil? Et cette furie de promenade solitaire dans la banlieue nocturne des villes? En avait-il hérité aussi de Monsieur de Burdes? Ou n'était-ce pas plutôt une manie de criminel inconsciemment ramené vers des décors de crime? Étal se taisait, mais je sentais son regard appuyé sur le mien, et c'était dans mon cerveau congestionné comme le froid aigu d'une vrille. Son horrible pensée peuplait mon imagination d'idées de sang, les larves rouges du meurtre après les larves vertes de l'opium. Cet homme était bien l'empoisonneur que m'avait dénoncé Thomas, cet homme qui devait me guérir, exaspérer mon mal. L'envie de l'étrangler que j'avais déjà eue me faisait les mains fébriles et mes doigts involontairement se crispaient. Étal rompait de lui-même le silence. Vous devriez aller voir les Gustave Moreau, vous savez, le musée particulier qu'il a laissé à l'État. Vous trouveriez un précieux enseignement dans certains yeux de ces héros et l'audace de ces symboles. Il se levait pour me reconduire. Il avait pris un flambeau. Près de la porte, il l'élevait et me faisait remarquer, en lincelé de serge verte, la chasse de verre où dormait sa poupée de cire, la merveille de Leyde, comme il l'appelait. Le morbide et fastueux bibelot attifé de vieux brocarts et modelé dans de la cire peinte, dont il me reprochait de ne pas apprécier l'indéfinissable et pourrissant attrait. Il écartait doucement un pan de l'étoffe, et me montrant la poupée droite sous ses oripeaux couleur d'amadou, ses cheveux de soie floche en coulée jaune de dessous son béguin de perles. « Ma déesse à moi, ricanait-il, demi-caressant et sournois. La mienne est vêtue de la défroque des siècles, mais aucune tête de mort ne grimace sous sa robe. C'est la mort elle-même, la mort avec son phare et la transparence de ses décompositions. Notre-Dame des sept charognes, vous connaissez celle des sept luxures? On ne peut pas toujours adorer celle des sept douleurs. » Février 1899. Tous et toutes marchent. L'ignoble refrain dont étale rythmé l'autre soir ses racontars et ses lazzi sur le ramassis d'humanité de cette salle de première, ce leitmotiv d'infamie introduit dans la biographie de chacun, déprave et déforme tout autour de moi. La calomnie a fait son chemin, et du fumier de tous ces vices complaisamment étalés par Claudius, du cadavre même de M. de Burdes, toute une hideuse floraison a jailli d'images lubriques et de pensées honteuses. Cet étal, il a tout flétri, tout souillé en moi, comme un virus empoisonne mon sang. Et c'est de la boue qui coule maintenant dans mes veines. Tous et toutes marchent. L'obscénité me hante. Les objets, l'art même, tout, à mes yeux, devient obscène, prend un sens équivoque. Ignoble, m'impose une idée basse et dégrade en moi le sens et l'intellect. La forêt de Tiffauges décrite par Huysmans, le cauchemar sexuel des vieux arbres fourchus et des crevasses béantes des écorces a pris odieusement forme parmi la vie moderne, et c'est un possédé que j'y promène, un envoûté, un misérable et fol ensorcelé de magie noire d'autrefois. Ainsi ce Debucourt que j'achetais il y a 6 ans sur les quais, et qui représente dans les tonalités attendries et délicatement nuancées du peintre, deux jeunes femmes serrées l'une contre l'autre et jouant avec une colombe. Pourquoi ne m'inspire-t-il ce Debucourt que des idées malsaines? L'estampe en est pourtant assez connue. L'oiseau ranimé, s'intitule-t-elle, poudré, enveloppé des gaz et des linons flottants de l'époque, d'un coloris de chair adorable et d'une beauté aristocratique toutes deux. Pourquoi ces créatures de fraîcheur et de grâce s'associent-elles dans ma pensée au souvenir de la princesse de Lamballe et de la reine? Tous et toutes marchent, et c'est la plus ignominieuse calomnie du temps, les plus odieux pamphlets du père Duchesne, la salissure même des clubs jacobins que ressuscite à mes yeux cette estampe. Cela pour un geste d'une des femmes écartant son fichu de linon et retirant d'entre ses seins une colombe qui s'y était blottie. Et ce sont toutes les ordures débitées sur la liaison de Marie-Antoinette et de l'infortunée princesse qui assiège alors ma mémoire. C'est comme une fièvre, une frénésie de rut, de cruauté aussi, m'investit. Et parmi les rumeurs grondantes d'un soulèvement de populaire, je me trouve tout à coup transporté dans le recul d'un siècle, par une chaude journée d'orage, aux abords d'une prison. Une foule suante d'hommes en bonnet rouge, de portefeuille à face de brute, la chemise débraillée sur des poitrines velues, me bouscule et m'étouffe. On vocifère, partout des yeux de haine, un air lourd, empesté d'alcool, d'odeur de crasse et de haillons. Des bras nus agitent des piques, et avec un grand cri, je vois monter dans le ciel de plomb une tête coupée, une tête exsangue, aux yeux éteints et fixes, le masque de décapité qui hantait les nuits de Welcome, le remords même du bel Irlandais devenu mon obsession. c'est une tête de femme. Des hommes ivres se la passent de main en main, la baise aux lèvres et la soufflette. Leurs fronts bas et fuyants sont des fronts de forçats. L'un d'eux porte enroulé autour de son bras nu, comme un paquet de lanières sanglantes, tout un nœud de viscères. Il goguenarde, les lèvres ornées d'une équivoque moustache blonde. On dirait des poils de sexe. Et ce sont autour de la moustache pastiche des propos ignobles, des gros rires outrageants. La tête aussi au-dessus de la foule, acclamée, huée, insultée et bafouée, brandie au bout d'une pique. La tête de la princesse de Lamballe, que les septembriseurs viennent de faire coiffer, friser, poudrer, et raviver de phare avant de la porter à l'hôtel de Penthièvre, et de là au temple, sous les fenêtres de la reine. Je me ressaisis brisé, révolté et charmé d'horreur. Il y a quelque chose de pourri dans mon être, les rêves où je me plais m'épouvantent. Mars 1899. Les bouges. Étal m'a donné aussi le goût des bouges. Il a éveillé en moi la dangereuse curiosité des filles et des voyous. Les yeux bougeurs des escarpes, les prunelles quémandeuses des gaupes, de faubourgs, tout ce vice aiguisé et brutal d'être ramené par la misère à des gestes instinctifs, me requiert et m'attache. J'en arrive à arpenter le soir les boulevards extérieurs, à m'intéresser aux gais rôdeurs des filles. La basse prostitution m'excite et m'affriande avec ses relents de musc, d'alcool et de blanc gras. Pis, après l'ivresse crapuleuse des bals musettes, j'ai connu le besoin hystérique d'en suivre les couples dans les escaliers gluants des garnis. J'en ai poussé la petite porte à claire voix, et avec une compagne de hasard, j'ai connu les transes des querelles et des marchandages entendus à travers la cloison, la fièvre délirante de Ruth et d'amour de fauve aussi. Oh, le bruit des assauts surpris! Parfois des baisers finissaient par des coups, et c'était sur le plancher, le raclement de sourdes luttes, d'atroces corps à corps, des voix de femmes qu'on étrangle, criées au secours, et les craquements des sommiers gémissants de secousses m'emplissaient moins de joie que certains affreux silences après des râles et des sanglots. Et puis la lancinante angoisse d'un crime peut-être commis et les étreintes au cœur dans l'attente d'une descente de police. La rafle, la terrible rafle, et la conduite à la préfecture qui jette au bas des lits les souteneurs et les filles, et remplit d'apeurées galopades les couloirs des gîtes à la nuit. Dire que moi, le duc de Freneuse, j'ai passé des heures et des heures à attendre et à redouter cela. Ah, le poignant émoi des guet-apens et des rixes, les veillées des pharmans et de sueurs dans les meublés coupe-gorge du boulevard Ornano, des quatre chemins, et le coup de couteau final, au bout de tout cela peut-être. Oui, je suis bien au bord du gouffre, et Tal ne peut me mener plus loin. Une lueur. Un soir que je dormais près d'une affreuse juive. Baudelaire. Adieu, je sens qu'en cette vie, je ne te reverrai jamais. Dieu passe, il t'emmène et m'oublie. En te perdant, je sens que je t'aimais. Pas de pleurs, pas de plaintes vaines, je sais respecter l'avenir. Vienne la voile qui t'emmène, en souriant je la verrai partir. Tu t'en vas pleine d'espérance, avec orgueil tu reviendras. Mais ceux qui vont souffrir de ton absence, tu ne les reconnaîtras pas. Un jour tu sentiras peut-être le prix d'un cœur qui vous comprend, le bien qu'on trouve à le connaître, et ce qu'on souffre en le perdant. 24 mars 1899. Ces vers de Musset, lus au hasard des pages tournées machinalement, pourquoi m'emplissent-ils aujourd'hui les yeux de larmes? Et moi qui n'ai peut-être pas pleuré une fois depuis 20 ans, moi qui dans mon enfance même n'avais pas l'émotion facile des autres enfants, pourquoi suis-je aujourd'hui douloureusement et délicieusement remué en lisant cet adieu? Ce livre, pourquoi l'ai-je ouvert seulement? Comme ceux de ma génération, j'ai le plus profond mépris pour Musset, et voilà que les quatrains du poète de Rolla m'ont chaviré le cœur dans une mer de larmes. Adieu, je sens qu'en cette vie je ne te reverrai jamais. C'est que cette détresse poignante et cet orgueil d'amant résigné au départ de la maîtresse qui l'abandonne, je ne les ai jamais ressentis. Je n'ai jamais aimé les joies dévolues au dernier des artisans, au plus humble bureaucrate, cette minute de vie surhumaine que tous et toutes ont eue une fois au moins, grâce à l'amour. Tout cela a été lettre close pour moi. Je suis un anormal et un fou. Je n'ai jamais été la proie que d'ignobles instincts, mais toutes les ordures des basses parties de mon être, magnifiées par l'imagination, ont fait de mon existence une suite de cauchemars. Je n'ai jamais eu de sensibilité. J'ai toujours ignoré le don des larmes. C'est dans de l'atroce et du monstrueux que j'ai toujours cherché à combler l'irréparable vide qui est en moi. Je suis un damné de luxure. Elle a déformé ma vision, dépravé mes rêves, décuplant horriblement toutes les laideurs et altérant toutes les beautés de la nature, si bien que le seul côté répugnant des êtres et des choses m'apparaît et subsiste en châtiment de mon vice stérile. C'est la survie du mal dans le néant. La petite fleur bleue sentimentale que les petites ouvrières, les apprentis modistes et même les gâcheurs de plâtre ont à 16 ans dans le cœur, je n'en ai jamais respiré le parfum. Mieux, par rancune, je l'ai toujours bafoué, raillé, ce parfum de 16 ans chez les autres. Je n'ai jamais eu d'amis. Je n'ai jamais eu de maîtresse. Passade d'une nuit ou caprice d'un mois, les filles que j'ai toujours grassement payées au matin ont toujours eu l'horreur de mon souffle et de mes lèvres. Elles sentaient que je ne les désirais pas. Elles n'ont jamais été pour moi que des chairs à expérience, pas même à plaisir. Avide de sensations et d'analyses, je me documentais sur elles, comme sur des pièces anatomiques. Et aucune ne m'a donné la vibration attendue. Parce que, justement, cette vibration, je l'épiais, embusquée dans ma nervosité, comme dans un maquis. Et qu'il n'y a pas de volupté savante, mais de la joie inconsciente et saine, et que j'ai gâché à plaisir ma vie en l'instrumentant au lieu de la vivre, et que les raffinements et les recherches du rare conduisent fatalement à la décomposition et au néant. La minute d'abandon que la dernière des rôdeuses, une fois sa journée faite, donne à son souteneur, moi je ne l'ai jamais obtenue, et Dieu sait si j'ai gaspillé des sommes. Tous et toutes sont en moi un être hors nature, un automate galvanisé de convoitise, mais un automate, c'est un dirham mort. Je leur fais peur avec mes yeux de cadavre. Mes yeux de cadavre, ils ont pourtant pleuré aujourd'hui. Un jour, tu sentiras peut-être le prix d'un cœur qui vous comprend, le bien qu'on trouve à le connaître, et ce qu'on souffre en le perdant. Paris, 25 mars 1899. Je relis mon journal d'hier. Que de sottises. Je lis la crise sentimentale du duc de Freneuse. Je me suis attendri sur du Musset. Voici maintenant que j'ai une âme de modiste. Pourquoi ai-je pleuré? Aujourd'hui je le sais. Oui, c'est cette conversation surprise à travers la cloison dans cette chambre d'hôtel où je m'étais échoué l'autre nuit. Ce sont les deux ou trois phrases échangées entre mes voisins de garni qui m'ont bouleversé tout entier. De la boue de mon être remué, un vieux regret est remonté à la surface du marécage et dans une larme a fleuri. Cet hôtel de la rue des Abbesses, avec son enseigne allumée toute la nuit, et ses chambres à 1 franc, en transparent lumineux sur les verres dépolis de sa lanterne, ce demi-bouge, dont je sais maintenant le chemin et qui m'a vu déjà tant de fois, par un soir sans lune, 2 à 2, endormir ma douleur sur un lit hasardeux, car je cite maintenant du Baudelaire pour excuser mes pires faiblesses, c'est dans ce garni de 6e ordre que j'ai failli trouver mon chemin de Damas, que j'ai cru entendre les paroles de rédemption. Est-ce assez ridicule? J'y avais suivi une fille, ni laide, ni jolie, ramassée dans je ne sais quelle guinguette, bien moins par désir de sa mine vicieuse que par ce besoin des émotions fortes, dont je garde le goût âpre et mordant depuis que j'en ai bu le mauvais vin. C'est bien plus le décor et l'atmosphère même de l'aventure que la partenaire qui m'intéresse dans ces sortes d'équipées. Car j'ai cette folie du danger, cette hantise des lieux louches et bas. Oh, la belle et sinistre promiscuité, et l'équivoque compagnonnage, l'atroce aléa et les rencontres inespérées de ces banales auberges du vice et de la misère, du crime et de la prostitution. D'ailleurs, la fille à peine dans la chambre avec moi m'avait déplu. Je l'avais congédiée. Elle apportait une telle veulerie, même dans ses marchandages. Et rompu de fatigue, je m'étais mis au lit, attendant. Les minces cloisons de ces chambres d'hôtel sont toujours pleines d'enseignements imprévus. Et en effet, 10 minutes ne s'étaient point écoulées que des chuchotements s'éveillaient dans la pièce voisine. Un couple qui s'était tu à notre entrée reprenait son colloque. À travers des froissements de linge, des craquements de sommiers, une voix jeune et dont la fraîcheur m'étonna éclatait, rieuse et avec des roucoulements de tourterelles, une demi-pâmoison d'amante heureuse. La femme, avec un geste que je devinais, dans une attitude dont l'image s'imposait à mes yeux, grasseilla en vraie parisienne. « Tu sens bon, tu sens le blé mûr, je t'aime, tu es blond comme le blé aussi, j'ai envie de manger de toi. » La petite voix, bien de faubourg, mais murmurante comme une source, s'étouffait sous une cascade de baisers. Le couple s'aimait. Quel était cet homme à qui une voix de 16 ans disait ces choses enivrantes? Tu sens le blé mûr, tu es blond comme le blé, j'ai envie de manger de toi. Jamais à moi on ne m'a dit ces choses. Le couple s'aima beaucoup cette nuit-là. L'homme, lui, se taisait. Et ce n'est qu'au petit jour que j'entendis sa voix. Comme tu as les yeux clairs, Mimi. Mon imagination surexcitée m'imposa encore la vision du geste et du sourire de l'amoureux au réveil. Et la petite de sa voix de source avec une espièglerie délicieuse. Mes yeux sont clairs, c'est à force de vous avoir regardé, monsieur. Leurs jeux et leurs baisers recommençaient par la chambre. Des pieds nus s'y poursuivaient. La petite avait sauté du lit et l'homme cherchait à la reprendre. À des allées venues, je devinais maintenant qu'il s'habillait. Ce n'était ni une fille ni un rôdeur, car il ne s'attardait pas à faire la grasse matinée. Un petit couple d'amoureux honnêtes, lui quelque ouvrier pressé d'aller à son travail, elle quelque apprentie qui avait dû mentir chez elle pour donner toute cette nuit à son amant et inventer un prétexte, un coup de presse à l'atelier, de l'ouvrage en plus, l'obligation d'une veille. Ils étaient probablement jeunes tous deux. J'avais la curiosité de leur visage. Je me levai et, derrière les persiennes, je les guettais à la sortie de l'hôtel, les pieds nus sur le carrelage, dévêtus à la fenêtre ouverte. Il sortit le premier, par-dessus beige, chapeau melon. C'était quelque bureaucrate, un employé de magasin, pas plus de 22 ans, car il était grand et mince et de mine insignifiante. Elle, par prudence, ne s'aventura dehors que 2 minutes après, mais lui l'attendait au bout de la route. Elle était charmante, blonde, comme lui, et tous ses cheveux dépeignés, en boucles folles sous un pauvre petit paillasson noir qu'elle avait dû orner elle-même de bleuets et de coquelicots. Un petit collet de drap noir, une robe de mince foulard bleu à fleurettes, complétaient son ajustement. Elle trottinait sur la pointe des bottines jaunes, et souple, non assouplie par l'amour et un peu pâlie aussi, avec des yeux cernés, mais si heureux dans sa petite figure fraîche, elle sentait la joie et le printemps. Ils n'avaient pas 40 ans à eux deux. Les marchands de vin et les fruitiers commençaient à retirer leurs volets. Elle le rejoignit au coin de la rue, et là encore ils s'embrassèrent longuement. Je les épiais de ma fenêtre. Enfin ils se séparèrent, et au bout de 10 pas, elle se retourna encore une fois pour le revoir, mais trop tard. Il avait tourné la rue. Alors elle accéléra son allure et disparut, les épaules tout à coup voûtées, comme alourdies d'un gros chagrin. Adieu, je crois qu'en cette vie, je ne te reverrai jamais. En te perdant, je sens que je t'aimais. Je me suis recouché et j'ai dormi d'un sommeil d'ivrogne, d'un sommeil trouble, traversé d'images sans suite et contradictoires. Thomas Welcome, la poupée de cire d'étal et quelques figures remarquées dans les bouges défilèrent à mon chevet tour à tour. Et puis d'autres visages encore, visages de ma première jeunesse, de mon enfance même, et que je croyais oublier, entre autres, celui de Jean Destreux, le valet de ferme qui fut écrasé chez nous, en tombant du haut d'un chariot de blé, un soir de moisson. J'avais à peine 11 ans alors. Pourquoi cette figure m'est-elle réapparue? Je ne l'avais jamais revue depuis l'accident. Thomas Welcome lui ressemble, un peu. Je ne m'étais jamais avisé de cette ressemblance. Est-ce l'apparition de Thomas qui a amené celle de Jean Destreux, ou le fantôme de mon enfance? Est-il remonté de lui-même, de mon passé? Et je me suis réveillé, du soleil plein mon lit, au son d'un orgue qui jouait sous les fenêtres. Il était plus de 11 heures. Dehors, c'était le plus beau ciel bleu. Un de ces matins de mars que l'on croirait de mai, et dont l'azur salue parfois le printemps de Paris. Sur les boulevards extérieurs, c'était à pleine charté une floraison de giroflées et de rosetées, de tulipes jaunes et de narcisses entêtants et suaves poussées dans les voitures des marchands ambulants. Des ménagères les achetaient, debout au bord du trottoir. Des petites ouvrières s'en fleurissaient en passant, c'était la sortie des ateliers. Paris travaillait déjà depuis 5 heures et devant une marchande de pommes de terre frites, tout un essaim de petites brunisseuses s'égayait en sarraux noirs, nu-tête et le nez au vent. Ce Musset trouvé à l'hôtel en rentrant, ses pages tournées machinalement du doigt, et dans le vide et le luxe mort de mon logis sans femme, ses vers de tendresse et de détresse aimante. Un jour tu sentiras peut-être le prix d'un cœur qui vous comprend. Maintenant je sais pourquoi j'ai pleuré. Le refuge. Paris, 28 mars. Ce Jean Destreux m'est revenu en rêve, et toute mon enfance avec lui. Mon enfance à Fréneuse, en Normandie. La Normandie pluvieuse et grasse. J'allais souvent le regarder travailler à la ferme. Je m'échappais du château pour aller jouer avec lui. Je n'avais qu'à traverser le petit bois de bouleaux, après la pelouse, presque à l'entrée du parc, à pousser la barrière, et j'étais dans le verger. Le verger au sol herbu et mou, la ferme. Les pièces étaient si hautes et si vastes à Fréneuse, si claires aussi et d'une clarté si triste avec leurs larges porte-fenêtres et le moiré de leurs parquets luisants. Toute la mélancolie du ciel, des plaines et des saisons changeantes pénétrait par ces fenêtres. Oh, la sécheresse austère de leurs petits rideaux blancs! Comme je m'y sentais seul dans l'hostilité des choses, C'était surchargé de têtes de lion, de béliers et d'attributs empires, de grands meubles d'un style maussade et pesant. Je me heurtais toujours à leurs angles. Leur contact était froid et faisait mal. Je n'aimais point non plus les lourdes chaises d'acajou, massifs accroupis. On eût dit contre les tentures. Et ces tentures, donc, elles étaient éclatantes et glacées, avec des grands aigles et des lauriers d'or. On eût dit captifs dans des fonds cramoisis ou verts morts. Épanouis en rosaces ou s'alternant en losanges, les parquets cirés étaient comme une glace, satinés au toucher et glissant sous les pas. Les grands salons de fraîneuses, j'y grelottais même en plein été, et les cimes d'arbres du parc, éternellement agitées dans la vitre claire des impostes, comme elles emplissaient de détresse ma petite âme d'enfant. Aussi, au luxe froid de ces vastes pièces vides, combien je préférais l'égouttement sans fin des clés de la laiterie où se tassent les mattes, l'ombre poussiéreuse et parfumée des granges, et la tiédeur étouffante de l'étable où les vaches sentent bon. La laiterie surtout, ô chaleur de juillet, après-midi accablante, où l'odeur du lait caillé paraissait plus fraîche, et d'une acidité si discrète, relent de crème un peu surie fermentant dans le courant d'air des croisées ouvertes. Quel étrange et puissant bien-être j'éprouvais à humer tout cela, et les mains rouges de la fermière sur le puits gonflé des vaches, la chute lourde des bouses dans la paille, et la recherche hâtive des œufs dans les cachettes, les œufs parfois trouvés au coin des râteliers. Notre entrée furtive, sur la pointe du pied, dans l'écurie déserte et nos folles parties de clignomusette, mes galopades à travers la charpente des granges avec les enfants du fermier. Oui, comme je préférais cela aux mornes journées de fraîneuse, aux heures d'étude dans la bibliothèque, en tête-à-tête avec l'abbé, et même aux quelques minutes d'entretien avec ma mère, toujours étendue sur sa chaise longue, quand je montais la saluer, le matin et le soir. La chambre de ma mère, elle était toujours fleurie de lilas blancs, et l'on y faisait du feu en plein été, mais elle sentait l'éther, la créosote, et une autre odeur encore qui, dès le seuil, me levait le cœur. Ma mère, je revois encore ses longues mains tout alourdies de bagues, des mains diaphanes et soignées, où le bleu des veines s'avivaient sous le derme. Elles étaient douces, caressantes et embaumées. Elles s'attardaient longuement dans mes cheveux, s'amusaient un moment à chiffonner ma cravate, puis remontaient à mes lèvres et s'imposaient à mon baiser. Pâles et lentes, mains de jeunes femmes condamnées. Elles étaient molles et délicates, imprégnées des senteurs les plus fines. Et pourtant, j'hésitais à les toucher. Ah, comme je préférais la chair en sueur des enfants du fermier. Ils sentaient, eux, la santé et la force. C'est toute cette santé perdue, cette fleur de terroir, cette odeur de froment et de feuilles mouillées qui me hante encore et que m'a rapporté le spectre de Jean d'Estreux. 28 mars 1899. Jean d'Estreux. Il y avait de grands labours dans les plaines. Les soirs d'automne, les sillons fumaient dans la brume, et les chevaux lassés rentraient à une allure plus lente. Moi, je m'esquivais du château, je courais éperdument jusqu'à la lisière du petit bois, et le cœur battant, j'épiais le retour des chevaux à la ferme. J'épiais surtout son retour à lui. Il était si gai, si bon enfant pour nous autres, les petits. Son entrain animait toute la ferme. Depuis son retour au régiment, l'air était comme changé dans le pays. Il avait servi en Afrique et dans le travail, gardait encore sa séchia de spahi. L'Afrique. Il avait rapporté de chez les Arabes un tas d'histoires et des farces, et des simagrées qui faisaient monter le rire aux lèvres et de la joie dans les yeux. Il y avait comme du ciel dans ses prunelles, tant leur eau bleue souriait dans sa face roussie. Grand, mince et découplé, les cheveux d'un blond de seigle mûr, le soleil du désert l'avait tanné, desséché et bruni. Avec sa chevelure claire et sa moustache floconneuse sur son teint bis et cuit, il flambait comme un grand sarment dans la chaleur des journées d'août, et infatigable à l'ouvrage, activé de ses lazzis, de son exemple et de gestes endiablés l'indolence, harassé des autres moissonneurs. Les soirs d'hiver à la veillée, il revêtait parfois son uniforme et faisait passer la parade aux autres valets de ferme ahuris. Moi, je l'aimais pour la franchise de ses grands yeux clairs, son inaltérable gaieté, les histoires qu'il nous contait et sa douceur envers nous. Les enfants, lui, parfois si brusque vis-à-vis des autres. Et puis, il m'avait appris le maniement du sabre pour m'amuser, paré, pointé. Et puis il savait de si divertissantes chansons, des chansons de marche entraînantes et gaillardes, des refrains de corps de garde, des braillés et frondeurs, et d'autres encore en mélopées si monotones et si tristes que les larmes nous venaient rien qu'à les entendre. Celles-là, il les avait apprises là-bas, très loin, dans ce pays d'Afrique où il avait servi. Le dimanche, pendant que le fermier et ses valets étaient, qui au cabaret, qui, au vêpres, lui demeurait à lire de vieux almanachs dans la grange. Alors moi, j'allais le retrouver dans le foin. Les enfants du fermier, eux, y étaient déjà. Des rires étouffés m'accueillaient à l'entrée. Jean Destreux nous lisait à haute voix des proses et des vers dans de vieilles paperasses. Il en avait des tas. La vivifiante odeur des foins et des récoltes, les charpentes des hangars, noyées dans la pénombre, les raies lumineux tombés d'une lucarne, les atomes de clarté tourbillonnantes dans la chaleur, le clair-obscur des greniers, les herbes des prés engrangées là, sous les lourds toits de chaume, Jean Destreux et sa chemise de toile bise ouverte sur sa poitrine incarnaient tout cela. Mais je ne m'en rendais pas compte. Je ne saisissais alors ni les couleurs, ni les parfums, ni les formes. Je les ressentais puissamment, inconsciemment, avec une petite âme obscure et brûlante, heureux de toutes mes sensations, jusqu'à désirer parfois mourir, mais sans en analyser les rapports, synthétiques à force d'ignorance. Le bonheur n'est-il pas de cette ignorance-là? Oh, les grands labours dans la plaine, et les sillons fumants dans la brume, au premier froid d'octobre, quand hommes et chevaux s'en reviennent plus là. Chaque soir m'enivrais comme si j'y sentais l'odeur de la terre pour la première fois. J'aimais alors m'asseoir au revers d'un talus, à l'oreille des champs, parmi les feuilles mortes, et j'écoutais avec délice mourir au loin des voix, voix de laboureurs, bruit éteint de charrois. J'aimais aussi l'odeur des feuilles rouillies, la fraîcheur de la pluie et des branchages mouillés, et mon âme défaillait toute en regardant le soleil se fondre à l'horizon pour y dormir. Ô mon enfance, ô Normandie pluvieuse et triste, pourquoi après tout n'irais-je pas retrouver tout cela? Qui sait si ce calme et cette mélancolie ne me seraient pas une cure? Oh, laver toutes les hontes et toutes les souillures de ma vie dans l'eau lustrale des souvenirs. Un bain de verdure, un bain de rosée, de ces rosées de novembre qui se changent en givre et dont le fumier des sillons s'éveille tout argenté dans l'aube. Voilà ce qu'il faudrait à mon âme endolorie et faussée, à mon imagination fourbue telle une épée fourvoyée dans de mauvais combats. Oui, il me faut retourner à Fréneuse. J'échapperai ainsi à Paris, à son atmosphère délétère et néfaste, où ma sensualité s'exaspère, où l'hostilité des êtres et des choses développe en moi des instincts qui m'effraient, Paris qui me corrode, Paris qui me déprave et m'épouvante, Paris où je me sens des mains de meurtrier, Paris où je m'ulcère, Paris où je deviens lâche, libertin et cruel. La petite église de Fréneuse. J'y étais baptisé pourtant. Puis, ou mieux, j'y ai fait ma première communion. J'y ai suivi le convoi de ma mère. Elle repose dans le cimetière du village, un pauvre petit cimetière enclos d'un mur de terre sèche et que l'église abrite de son ombre. Que me dira cette tombe que je n'ai pas visitée depuis plus de 6 ans? Il repose, la vie ardente et triste, alarme, chagrin ne hantent plus leur paisible oreiller. Les aubes et les nuits les baignent de leurs larmes. La vie est une tombe au détour d'un sentier. Irais-je interroger l'ombre de ce sentier? Et qu'offrirais-je à cette morte? Je le sens, c'est la crise sentimentale qui continue. Mais il faut à tout prix que je parte. Fréneuse peut m'être le salut. Je partirai sans donner mon adresse. Ce sera comme un évanouissement dans la nuit. Je disparaîtrai sans prévenir personne. Il faut que personne ne sache où je suis. Étale surtout. Son influence occulte me poursuivrait là-bas. C'est à lui qu'il faut que j'échappe. Il est le mauvais esprit de ma vie, la main d'ombre étendue sur mes actes et sur mes pensées, la main aux horribles bagues, la main monstrueuse et velue dont les pustules de nacre suintent des poisons et des lueurs, la serre de proie et d'agonie qui étreint mon impuissance, et si je ne m'y soustrais, la pousserais au crime. Cet affreux, ce suicide lent, et les affres au milieu desquels je me débats. Assez d'agonie, je veux vivre, comme Étale triompherait, s'il savait quelle terreur il m'inspire. Et pourtant je vais briser ma vie, renier tout un passé et les joies de ce passé. Car il eut ses joies, des joies coupables, abominables, mais des joies. Ce passé que je vais rompre, et cela sur la foi d'un spectre, l'inanité d'un son. L'image ensanglotée d'un valet de charrue tué il y a 20 ans. Je l'ai revu encore, cette nuit, avec ses grands beaux yeux étonnés, ses yeux d'eau et sa face de hâle. La chéchia penchée sur sa chevelure claire et au coin des lèvres. Cette traînée rouge, ce flot de sang tiède monté de la poitrine. Et au travers du torse, sur la chemise débraillée, toute molle de sueur, la trace de la roue, de la boue et du sang encore. Mais très peu de sang. Plutôt une meurtrissure qu'une blessure. Le froissement et l'écrasement aussi du chariot qui passa sur son corps. Son corps svelte et musclé de gars de 26 ans. C'était en août. Le soir venait. On arrivait aux granges, dans la cour de la ferme, où les derniers rayons s'attardaient. 3 grands chariots chargés de récoltes odorantes, 3 chariots pesants, heurtés à tous les talus, cahotés à toutes les ornières, qui bien des fois déjà nous avaient ramenés au temps de la moisson, couchés sur les tas d'herbes sèches avec les autres garçons faneurs. Nous étions juste sur le chariot du milieu, lui debout, une gerbe de coquelicot attachée par un lien à sa veste, gesticulait, faro, un peu gris peut-être, la journée avait été si chaude, et sonnait de toutes ses forces dans le grand coquillage qui, en Normandie, sert de trompe aux moissonneurs. Autour de lui étalaient à même les meules, des filles et des garçons riaient, se bousculaient du rouge de plaisir et de fatigue aux joues, de la sueur aux tempes. Et moi, parmi eux, je respirais la joie de vivre de toute la ferme, l'animation heureuse de ce beau soir. Une roue de chariot sombrait dans une ornière. Tout l'édifice des bottes oscillait, et l'homme, perdant l'équilibre, tombait de haut, roulait à terre. Le 3e chariot suivait. Le conducteur, peut-être ivre, ne sut pas arrêter ses bêtes. Un grand cri, et l'on se précipita. Les chevaux ne l'avaient pas piétiné. Il s'était écarté devant l'homme. La roue avait continué de tourner, aveugle, comme la matière. du sang avait giclé de la bouche, un peu de boue souillait la poitrine meurtrie. Les grands beaux yeux, un peu stupéfaits, étaient demeurés larges ouverts. Et c'est ce mort qui m'appelle à Fréneuse, comme Thomas Welcome lui ressemble. Si je n'avais reconnu Jean d'Estreux, je craindrais que là-bas, dans les Indes, il ne soit arrivé à l'autre quelque malheur.